Hey yo, 7, 8, Garenland. Yo, tu veux savoir pourquoi moi et mes gars on est venu kicker? Savoir pourquoi la vie qu'on mène te fait flipper? Pourquoi on est si speed? Demande ça à la monnaie. Pourquoi on est toujours entassé dans ces cités? Pourquoi une simple prise de tête finit par tirer? Pourquoi les frères dans la France finissent par tirer? Moi je veux savoir pourquoi dans mon quartier on est tous pistés. Demande pas pourquoi dans ma rue on est tous fermés. Pour éviter les bavures, pourquoi on choisit de pousser? Et heureusement que certains ont fini par se caser. Pourquoi moi et ma bande, jusqu'au temps on est tous armés? MC voilà pourquoi en Garenne on est tous groupés. Si un mec joue le show, ce fils de pute fera shooter. Tu peux vivre grâce à un gun ou mourir à cause d'un brolic. Plus les jours passent et plus les frères se font cueillir. Business illicite, poursuite, je te le dis, ça pue grave, ça pue grave. Ça bougave, après ça se dit brave. Échec et maté, je veux que toutes les tests me disent maté. Garenland, faut que tu kiffes, ou mes petits vont te latter. Mousse, pour un rap de quartier. Échec et maté, je veux que les gens disent maté. 78, violence gratuite, j'aime ma moitié. Ça paye pas de mine, mais quand ça se gâte, toujours au but, on bouge. Allumer les briquets pour un vol à voix. Échec et maté, je veux que les gens disent maté. 78, violence gratuite, j'aime ma moitié. Ça paye pas de mine, mais quand ça se gâte, toujours au but, on bouge. Allumer les briquets pour un vol à voix armé. J'ai fait le rêve à Tony. La vie de rêve. La vie de rêve. J'ai vu le règne de GN dans l'industrie de la musique. Du RAP, non pas de la country. Comme chaque Dixon, on présente nos fiefs, nos comtés. 7, 8 départements, et les styles dorénavant. C'est sûr qu'il faudra compter. Gonfler un bloc, tueur né, né pour tuer. Authentique, believe qui sur mix, ressuscité, liquide. Les généraux des cartels à la Kill Bill ou Martin Scorsese. Ici c'est le Far West, le chant de la fanfare. Sonne le clairon, c'est GL qui plante, on est dans d'art. Indépendant man dans le biz. On fait pas partie de l'élite du showbiz. Chez nous on fait pas la bise. Si tu nous tends la joue, on te met une gifle. On te met une gifle. Échec et maté, je veux que les gens disent maté. 78, violence gratuite, j'aime ma moitié. Ça paye pas de mine, mais quand ça se gâte, toujours au but, on bouge. Allumer les briquets pour un vol à voix. Échec et maté, je veux que les gens disent maté. 78, violence gratuite, j'aime ma moitié. Ça paye pas de mine, mais quand ça se gâte, toujours au but, on bouge. Allumer les briquets pour un vol à voix. Échec et maté, check et maté, tous ces trous du cul. Que bon injecter les uns sur les autres. À qui la faute si on vote? Sur mon passé des apôtres. Avec mon feutre noir, en équilibre cette poutre. Je viens foutre une croix sur les fleuves. Vous faut une compagnie, trap c'est la famille. Eh, hey, on se sera pas écrasé comme des vulgaires fourmis. Ici c'est Garenland, gang. Je vais t'inciter à rêver toutes les cités, à s'exciter. Oui, je vais insister et même y assister. Car trop de gens gaz. Faut pas qu'ils s'étonnent s'il y a des kamikazes. Quelques personnes à qui manque une case. Un simple chromosome risque d'y avoir un crime dans la zone. En haut lieu, tire maintenant que toutes les banlieues s'assemblent. Au lieu de se descendre pour finir cendre.